Donjon humilié par Pierre Mille. D'un grand vol droit, sublime et sans ailes, comme aspiré par l'infini, sa longue tunique blanche, plaquée sur ses épaules et ses reins, en arrière tout agité de plis larges et changeants, la poitrine gonflée par l'air froid des cieux très hauts, splendide, pur, lumineux, éternellement jeune, l'ange qu'on avait envoyé ce jour-là pour surveiller la terre remonta jusqu'au trône de Dieu. Et il s'abattit, les mains en avant, la tête prosternée pour dire « Seigneur, Don Juan est mort !» Or, il n'y avait personne dans le paradis qui ne connût Don Juan. La fureur de ses vices, son mépris des lois, le délire de ses cruautés, enfin, tous ses crimes avaient fait au ciel de ses victimes autant d'élus. Aucune pourtant n'était parfaitement pure, entièrement sans péché, mais il les avait tant fait souffrir. Et sans leur imposer d'autres expiations, Dieu les avait directement appelés à lui. Elles étaient toutes là, Elvire, Anna, Mathurine et les mille autres. Il était là, le commandeur. Il était là aussi, le misérable Monsieur Dimanche. Il n'y avait que le pauvre Sganarelle, qui demeura en purgatoire, parce que de toute sa vie, il n'avait su être ni bon ni méchant. C'était donc un lâche. Un lâche, c'est celui qui ne se décide point. Mais aucune ne manquait de celle dont jadis avait changé la vie terrestre en un perpétuel et irréparable malheur, et les autres habitants du paradis même s'en étonnaient. « Quel est donc, disait-il, ce méchant prédestiné à faire des saintes ?» Voici maintenant que ce méchant était mort, et la plupart des élus se demandaient seulement dans quel cercle infernal la justice divine l'allait précipiter. Et Don Juan lui-même se le demandait. Mais sans trembler. Trembler. Il n'avait jamais eu peur de rien. À son esprit juste, ironique et froid, la damnation éternelle apparaissait inévitable et nécessaire. Bien plus, il la désirait. Comme si l'enfer dut être sa vraie patrie, presque son empire. Et Lucifer, non pas un maître et un bourreau, mais une espèce d'associé, d'un génie un peu inférieur. Quand on l'amena devant le tribunal de Dieu, son âme superbe, dure, cuirassée de l'admiration qu'elle éprouvait pour elle-même et pour ses fautes, n'eut pas un instant de faiblesse. Juan faisait plus que de désespérer de la miséricorde divine. Il la dédaignait, il n'en voulait pas, il ne pliait pas. Il y eut dans le paradis, devant cette attitude, un grand murmure. Tous, sauf précisément ceux qui sur la terre avaient connu Don Juan, et qu'un sentiment étrange, qui n'était pas de la haine, pénétrait sans qu'il le voulût s'avouer, tous les autres pensaient « Quel est le châtiment qu'on m'a inventé pour lui ?» Mais Dieu sortit de sa méditation éternelle. Il considéra longuement l'âme insolente de Don Juan, secoua la tête et prononça « Don Juan Tenorio, reste ici. » « Ici, dans le ciel, était-ce possible ?» Nul ne crut avoir bien entendu. Don Juan lui-même ne bougea pas, croyant une espèce de feinte horrible de son jugement. Sans doute celui-ci, avant de le jeter aux flammes, s'amusait à lui donner une lueur d'espoir, afin qu'il souffrît ensuite davantage. Il riait même, intérieurement, d'une telle ruse, parce que vivant, il eût été capable de l'imaginer. Mais la voix divine, qui ne ment ni ne déçoit jamais, parla de nouveau. Juan Tenorio, reste ici. Pour la première fois, Don Juan se sentit inquiet et désarmé devant un événement. Il ne comprenait pas, et pour une âme comme la sienne, ne pas comprendre était une humiliation inconnue jusque-là. Lui, un ciel pour l'éternité. Mais il savait que la justice divine ne peut se manquer à elle-même, et il ne méritait pas de pitié. Indomptable, il voulut donc interroger Dieu, mais le silence de la divinité est par essence impénétrable. Ce qu'elle peut cacher reste caché. Don Juan n'obtint pas un mot, pas même un regard. Il était dans le paradis, voilà tout, ainsi qu'un étranger dans un pays dont il ignore la langue. Et que lui importent alors les édifices, les fontaines, la beauté du ciel et des arbres, il s'ennuie. Don Juan commença de s'ennuyer affreusement. Il ne parvenait même pas à se rendre compte de la sorte de bonheur que pouvaient éprouver autour de lui les âmes, et il les en détestait davantage tout en continuant à les mépriser. Il souffrait aussi amèrement, étant environné de toutes parts de beauté, de ne pouvoir abuser de cette beauté pour la détruire. Et il était éternel, il ne pouvait plus mourir. Il en éprouvait une épouvantable rage. Cependant, un jour, Elvire s'approcha. « Enfin, songea-t-il, je vais pouvoir jouir de la haine qu'elle doit avoir maintenant pour moi. Car je l'ai fait manquer au serment qu'elle avait fait, à ses vœux de bonne dédiés au Seigneur. Et après lui avoir fait connaître la volupté impure, je l'abandonnais. Les reproches qu'elle ne peut manquer de m'adresser vont me distraire. » Mais Elvire très doucement lui dit « Jean, Jean, mon mari !» Don Juan avait oublié qu'il était le mari d'Elvire, en effet, et ce mariage était indissoluble, et Elvire s'en réclamait. Il s'écria « Allons, Elvire, vous me haïssez, vous ne pouvez que me haïr, moi » fit-elle étonnée. Personne ne peut plus haïr au paradis. Elle ne pouvait plus concevoir la signification de ce mot et peut-être même, sur terre, ne l'avait-elle jamais compris. Son âme délicieuse et simple ne concevait qu'une chose, c'est que Jean Thénoriot, qui avait été son époux, se trouvait réuni à elle en un lieu où tout serment terrestre doit porter ses conséquences. « Mais je t'ai obligée, malheureuse, » fit Don Jean. « Je t'ai abusée, maltraitée, dédaignée, souillée, tu t'en souviens ?»« Je ne me souviens, dit-elle, que d'une chose, c'est que je vous aimais. Je ne puis me souvenir que de cela. » Puisqu'ici, toute mémoire s'efface de ce qui fut une douleur. Vous étiez charmant, Don Juan, ajouta-t-elle avec un sourire. Et il aperçut, près d'elle, la tendre Anna, la paysanne Mathurine et leur sœur, les mille sœurs, qui lui tendaient les bras, qui lui offraient spirituellement, qui lui donnaient encore leurs âmes. « Mais, cria-t-il, Elvire, je ne vous aime plus, moi !» Je n'aime aucune des autres que j'ai connues jadis et qui sont là derrière vous. Elles me font horreur, elles m'ennuient, vous m'ennuyez toutes. Il regardait ce troupeau, jadis gémissant, maintenant si paisible. Il s'en exhalait une voix unanime qui disait « Nous vous aimons toutes, Don Juan, et nous le pouvons sans péché. Ici, nul ne peut plus pécher. » Nul ne pouvait pécher. Dans cet empire des idées pures et des sentiments, Don Juan ne pouvait plus inspirer un seul désir impur. Il avait souhaité sa damnation pour continuer à voir souffrir, pour continuer à jouir, fût-ce au prix de sa propre souffrance, des fureurs et des larmes de ceux qui l'entouraient. Et il était condamné à vivre, jusqu'à l'infini des siècles, dans la détestable contemplation de cette joie sans inquiétude, de cette bienveillance totale et fastidieuse, de ces célestes indulgences. Lui, Don Juan. Il ne put le supporter plus longtemps. Son splendide orgueil s'abattit enfin. Il courut jusqu'au Seigneur et cria, d'une voix si forte que tout le ciel en fut ébranlé, « Toi qui le juges, toi dont on prétend, mais je vois bien qu'on se trompe, que tu sais punir aussi bien que récompenser, que tu es sans faiblesse. Tu dois bien le savoir, j'ai menti, j'ai volé, non pas seulement les riches, mais de pauvres diables. J'ai tué, non pas seulement le commandeur, mais dans l'ombre. » Au coin des rues, en cent occasions, et pour satisfaire un caprice aussitôt dédaigné. J'ai trahi toutes les femmes, tous les hommes, et mon roi, simplement, pour ne pas obéir, pour ne jamais obéir. Et tu m'as admis parmi tes élus. Ce n'était donc rien, ce que j'ai fait. Il fallait donc autre chose pour mériter l'enfer. Un vague sourire apparut sur la bouche céleste, mais elle ne s'ouvrit pas. Et Juan, humilié, plein de rage, soupçonnant enfin que l'homme, que tous les hommes, même lui, sont si peu de choses, que leurs actions sont nulles, s'écria. Alors il y a donc des péchés que je ne connais pas. C'est ainsi que fut châtié Don Juan. Il promettra toute l'éternité dans le ciel le soupçon désespéré qu'il y a des péchés dont il n'a pas joui. C'était Don Juan humilié par Pierre Mille.